agressif dès la première mesure. Première impression, putain d'instru, le crew est mort, mais rien n'est perdu. Petit apéritif en guise d'aperçu, toujours des histoires. Dépourvu d'Happy End, j'ai vu Blanche-Neige se faire sauter par les 7 nains. La passe à 5, sac les 7 péchés capitaux façon 7. Mon son est lourd comme la ganja de Jamaïcain. Ceci explique peut-être que j'ai pas fait de bénéf. Peu importe que le public kiffe, du moment que moi je kiffe, je m'infule promis comme un gros spliff. Comme dans le temps quand j'écrivais sous le porche, cherchant l'inspiration dans le shit et l'alcool, l'air proche. Et les critiques, je ne les entends plus depuis un bout de temps. Tout comme le son du froissement, des bifetons, des ventes d'albums que je n'attends plus. Tout ce temps dans la rap game, frère, j'ai pas fait une thune. On voulait faire du bénéf dans le son, c'était grillé depuis le départ. Tu veux du lourd, garçon, c'est la bonne adresse. Pas d'erreur, pas sur la même longueur. On est sur les playlists des bâtards. Majeur en l'air, cousin, si c'est du bon. On voulait faire du bénéf dans le son, c'était grillé depuis le départ. Tu veux du lourd, garçon, c'est la bonne adresse. Pas d'erreur, pas sur la même longueur. On est sur les playlists des bâtards. Majeur en l'air, cousin, si c'est du bon. Bim bim bim, dans ta putain tête, genre free fight, genre freestyle, genre Christophe Perrault, je les aime et je vois tous les gens qui jalent, dégainer les codes, c'est le Far West. J'ai deviné les codes, c'est KR. J'suis sur les belles chevelures, talons, délaisser les codes, bah ouais. Délaisser les codes, c'est ça ouais. Fuck le rap, c'est des conneries, je m'amuse. Comme avec la schneck de qui tu sais, ta copine, elle abuse. Mais ne lui en veux pas te tromper, elle se trompe peut-être. Pour le coup, j'pète une bouteille de champagne sur ta tronche de cake, boum, chakalaka, elle veut le goût chocolaté dans son boule, se faire laver sous la douche. Putain, j'ai même plus de rime, on s'en branle. Toute façon, ils sont pas prêts, ils font semblant. Maintenant, ils se sentent violés alors qu'ils étaient consentants. La faute à leur coupe blonde, t'es dans le rap, bref, tu vas prendre ta branlée comme tout le monde. Depuis le début, c'est du GUA, mon putain de frangin. On vient fouetter le rap et repartir avec 2-3 putes à franges. Voulais faire du bénéf dans le son, c'était grillé depuis le départ. Tu veux du lourd, garçon, c'est la bonne adresse. Pas d'erreur, pas sur la même longueur. On est sur les playlists des bâtards. Majeur en l'air, cousin, si c'est du bon. On voulait faire du bénéf dans le son, c'était grillé depuis le départ. Tu veux du lourd, garçon, c'est la bonne adresse. Pas d'erreur, pas sur la même longueur. On est sur les playlists des bâtards. Majeur en l'air, cousin, si c'est du bon. Majeur en l'air, cousin, si c'est du bon.